On va parler des Aigles de Roberval au cours du week-end, les Aigles qui étaient en action. On va parler avec Simon Gaudreau. Salut Simon. Salut Danny. Simon, on va parler d'abord du premier match qui se soldait par Benjamin Division 1. C'est un match qui se situait au centre Mario Tremblay, défaite contre l'école polyvalente Wilbois-Dufour. Oui, une défaite de 4 à 1 dans un filet désert, un match là, qui était très serré là, du début jusqu'à la fin. Ça a été 1 à 1 là, jusqu'à les 4 dernières minutes du match. Et puis, un petit relâchement, dans le fond, a fait mal dans ce match-là. Nos jeunes ont très bien travaillé. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui jouent des doubles matchs là, présentement. On a été clopés dans quelques catégories. Donc, il y a beaucoup de Benjamins qui vont jouer en cadet, des cadets qui vont jouer en juvénile. Donc, ça fait souvent des deux matchs dans la même journée. Donc, ça fait partie de l'apprentissage, du bagage qu'on va aller chercher du côté de nos joueurs. Et puis, ça ressemble à ça là, pour ce qui est de notre Benjamin. OK. Du côté maintenant, j'ai le juvénile division 2. Ça se déroulait au cours du week-end également. Et c'était une défaite contre la polyvalente de Fermain 5 à 1. Le jour d'avant, là, on jouait contre les Corsaires de Pointe-Lévis. On gagnait 2 à 0. Ça, c'est dans le premier match. Deuxième match, puis on jouait contre Thetford Mines. Et puis, c'était un revers de 5 à 1 dans cette journée-là. OK. Et dans l'autre match, c'était maintenant au niveau du juvénile division 2 aussi. Je me suis trompé, excuse-moi. Le cadet, oui. Ouais, il restait le cadet maintenant. Donc, comment ça s'est soldé là-dessus? Cadet en frontière Vida au courant de la semaine. Là, on a essuyé un revers et puis on a affronté samedi la meilleure équipe de la Ligue, là, Samuel de Champlain. C'est également un revers de 7 à 4, là, mais 2-0 et puis... quelques mauvaises punitions ont mené à la remontée de Samuel de Champlain. Okay. Donc, deux revers de ce côté-là. OK. Donc, la saison est pas mal terminée. Comment ça va marcher d'insérer les trois divisions? C'est notre dernière fin de semaine. C'est notre dernier week-end. Là, il reste un match en Benjamin contre Chicoutimi en fin de semaine. Et puis, le cadet, le juvénile, joue demain là, devant toute l'école. Les écoles entourant les écoles primaires du secteur contre Saint-Georges et puis vont jouer à Lévis eux samedi pour clore le calendrier. Ensuite de ça, là, ça va être relâche pour toutes les équipes. Donc il n'y aura pas de pratique, il n'y aura pas de match, il n'y aura rien. Donc on va voir, c'est ça, qui profitent tout le temps avec leur famille. Et puis nous, on va organiser le calendrier des séries. Pour ce qui est du Benjamin, ouais. Section de 5 équipes. Donc là, ça va être un quart de finale 4 contre 5. Le Benjamin va affronter le séminaire Saint-François de Québec dans un 3 de 5. On va savoir seulement en fin de semaine qui aura l'avantage de la glace. Là. Okay. Mais c'est sûr que ça va être contre le séminaire Saint-François. Le gagnant de cette série-là va affronter l'école Cardinal Roy à Québec. Tandis que l'autre demi-finale, ce sera le lycée Dominique Racine contre Pavillon Wilbois-Dufour en Benjamin. Okay. En cadet, il n'y a rien de fixé encore. Ça va être une section en 9 équipes. Donc, la 8 et la 9 vont s'affronter dans un match suicide. Ce n'est pas nous. Nous, on va finir 5 ou 6. Donc, nous, on va affronter normalement 3 qui devraient être soit Saint-Georges ou Pointe-Lévis dans ce coin-là. On ne sait pas encore. Donc, l'affrontement du week-end là, va nous permettre de se préparer là, pour les futures séries. Et c'est la même chose en juvénile. Donc, ça va être 8 contre 9 dans un match suicide qui va aller affronter Arvida, eux, qui vont finir assurément premier au championnat, premier au classement général, pardon. Et puis, nous, on va finir 5, donc on devra affronter 4. Ou on va finir 4 pour affronter 5. Là, on a des mêmes chances de finir 3, mais ça ressemble à l'école secondaire de la Camaradière à Québec. Ou Saint-Georges de Beauce. Donc, okay. À suivre. Es-tu convaincu de faire un bon bout de chemin en série? Pourquoi pas? Je veux dire, le finaliste et le champion s'en vont aux championnats provinciaux. Donc, en gagnant nos rondes, il n'y a rien d'impossible. Donc, à suivre, je dirais. OK. Bon, ben, Simon, on s'en reparle. Hey, t'as-tu des nouvelles en terminant de la nouvelle équipe, là, la demande que vous avez faite, pas encore de nouvelles? Ouais, ben là, on est dans un processus d'appel présentement, donc on attend notre audience, puis on s'en est là. OK, donc vous avez été refusé, c'est ça? Ouais, on a issu un premier refus, donc on s'en va en appel là, de cette décision-là, comme la dernière fois. Mais c'est comme la dernière fois, ça veut pas dire que c'est... tu t'en attendais, je pense, je me trompe, mais tu t'en attendais un peu, hein? D'être refusé? Ouais, je m'en attendais un petit peu, c'est sûr. Ouais. Bon, Simon, on s'en parle jeudi prochain. Ça marche, merci. Commentaire de Simon Gaudreau, les Aigues d'Orbert.